Si bien que je m'en bats les reins, le vent les bat les rats. Je me disserra et on verra qui ne valait rien. Les mots sont dits, annoncés, la tempête sera. On n'a pas le cœur à faire la fête et bon débarras. Si bien que je m'en bats les reins, le vent les bat les rats. Je me disserra et on verra qui ne valait rien. Les mots sont dits, annoncés, la tempête sera. On n'a pas le cœur à faire la fête et bon débarras. Si bien que je m'en bats les reins, le vent les bat les rats. Je me disserra et on verra qui ne valait rien. Les mots sont dits, annoncés, la tempête sera. On n'a pas le cœur à faire la fête et bon débarras. La fin on la connaît, on nous vend bien la chose. Ose dire que tu déconnais, moi chaque fin de journée je l'arrose. Une ortie parmi les roses, apparemment franche. Et pour cause, je reste dans ma grotte, l'avalanche terminée. La balance penche du mauvais côté, je pense pourtant pas être mauvais. Je flanche conscient mais je danse sur des terminés. Le vent les bat les rats, ne laissera aucune trace. Sans rancune sous la crasse, aucune tolérance hélas. Pourtant on y croit tous, dur comme fer. Le paradis et l'enfer, on l'espère mieux que s'imaginer poussière. Et alors, celui qu'on dit qu'il ne vaut rien n'a pas à rougir. Le vent soufflera aussi à sa place sur ses bougies. Si bien que je m'en bats les reins, le vent les bat les rats. Je me disserra et on verra qui ne valait rien. Les mots sont dits, annoncés, la tempête sera. On n'a pas le cœur à faire la fête et bon débarras. Si bien que je m'en bats les reins, le vent les bat les rats. Je me disserra et on verra qui ne valait rien. Les mots sont dits, annoncés, la tempête sera. On n'a pas le cœur à faire la fête et bon débarras. Laissons-les prendre de l'avance, l'ami. J'ai retenu la leçon, j'ai toujours un œil sur mon ennemi. Nature est faite ainsi, l'homme a l'instinct animal. Reste assis, on applaudira au bouquet final. Ce que l'on possède, ce n'est que du vent, on nous enterre seul. Le temps nous apprend à faire confiance qu'en peu de personnes. Allez dire aux anciens qu'on bousille leur héritage. Qu'un coup de fusil s'est vite parti sur un pétage de câble. La jalousie et le mépris dominent ce monde. Un regard suffit, je grille la mentalité en une demi-seconde. Le vent les balayera dès la prochaine tempête. Je me suis promis de fuir la dépression, c'est mort, je m'entête. Je suis qu'un être humain qui veut se faire la malle. Je ne suis qu'un être humain qui cherche mais qui ne trouve pas sa place. La tendance s'inversera pour que c'est qu'on se taise. Le vent les bat les rats, ouais, y compris ce 16. Si bien que je m'en bats les reins, le vent les bat les rats. Je me disserra et on verra qui ne valait rien. Les mots sont dits, annoncés, la tempête sera. On n'a pas le cœur à faire la fête et bon débarras. Si bien que je m'en bats les reins, le vent les bat les rats. Je me disserra et on verra qui ne valait rien. Les mots sont dits, annoncés, la tempête sera. On n'a pas le cœur à faire la fête et bon débarras. Tu peux me balancer tes critiques, le vent les bat les rats. Essaie de me donner des conseils, le vent les bat les rats. Tu veux me dire ce que je dois faire, occupe-toi de tes affaires. Poussière, tu redeviendras poussière que le vent bat les rats. La vie est une chienne, et Hall te soufflera. J'attends que la technicienne de surface vienne. Elle s'en fout, elle rit en m'attend. Les humains qui sniquent tous, à quand la dernière révolution autour du sol invictus. Elle prendra les forts et les faibles, les maîtres et les novices. Le temps détruit, le vent bat les misères, erré nos pistes. Trop tard t'es en piste et en lice pour la grande finale. À chaque pas en avant, à chaque bouffée d'air que j'inhale. Les écrits tassent la peur, les doigts crispés à la plume. Triste et à la longue des cris passent avant les derniers petits spasmes. Je parle pas de cul, non, l'idée c'est que face au vent d'avance t'es vaincu, alors carpe diem, carpe diem, carpe diem, carpe diem. Si bien que je m'en bats les reins, le vent les bat les rats. Je me disserra et on verra qui ne valait rien. Les mots sont dits, annoncés, la tempête sera. On n'a pas le cœur à faire la fête et bon débarras. Si bien que je m'en bats les reins, le vent les bat les rats. Je me disserra et on verra qui ne valait rien. Les mots sont dits, annoncés, la tempête sera. On n'a pas le cœur à faire la fête et bon débarras.